organisation, organisation. Mémoire, mémoire. Le dire sans façon, le dire sans façon. Passage, passage. T'as pas fait le ménage, t'as pas fait le ménage. Voyage, voyage. Dans une île perdue, dans une île perdue. Visage, visage. Choisis dans la rue.